Saviez-vous qu'à l'intérieur de votre cerveau, il y a en quelque sorte un autre cerveau, ou plus exactement, une autre moitié de cerveau qui a été longtemps négligée et à laquelle les neurobiologistes s'intéressent aujourd'hui de très près. Il s'agit de la glie, que l'on pensait être une simple colle à neurones, inerte. Or, il n'en est rien et il est même vraisemblable que ces cellules gliales soient à l'origine de nombreuses fonctions cérébrales essentielles et un pivot dans l'évolution des capacités cognitives et mémorielles. Cellule gliale, la face cachée de notre cerveau, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour découvrir cette face cachée et ses capacités, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui les deux auteurs de L'homme glial, une révolution dans les sciences du cerveau, qui est édité chez Odile Jacob. Bonjour Yves Agide. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de neurobiologie et de biologie cellulaire à Sorbonne Université, membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et bonjour Pierre Magistretti. Bonjour. Vous êtes médecin et neuroscientifique, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à la King Abdullah Université of Science and Technology à Jeddah. Vous pouvez suivre cette émission évidemment comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors quand on lit le sous-titre de votre livre, Yves Agide, Pierre Magistretti, une révolution dans les sciences du cerveau, en fait ça m'a fait penser à une autre forme de révolution dans le domaine biomédical assez récente. C'est celle de la découverte du microbiote intestinal. Est-ce qu'on peut dire, même si ce sont deux choses très différentes, que cette redécouverte des cellules gliales est un peu similaire ou équivalente à ce qu'a pu être la découverte du microbiote intestinal ces dernières années en termes de changement d'ouverture paradigmatique, Pierre Magistretti? Oui, c'est intéressant comme parallèle, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai, peut-être des cellules ou des micro-organismes dont on pensait qu'ils étaient inutiles, je pense qu'on n'a jamais pensé que quelque chose dans la nature est inutile, mais disons, dont en tout cas, on pouvait pas donner une explication physiologique, eh bien, pour les cellules gliales, après avoir été découvertes il y a plus de 150 ans, au milieu du 19e siècle, pour leurs caractéristiques morphologiques, mais elles sont restées dans une sorte d'anonymat avec justement l'idée que c'est une sorte de glue, de colle qui tenait les neurones ensemble. Et cette... ce silence, si je puis dire, et c'est en fait peut-être un bon terme, était dû au fait que, contrairement aux neurones, qui eux produisent des signaux électriques, des potentiels, des courants, on peut les mesurer avec des électrodes, soit au niveau macroscopique avec l'électroencéphalogramme, soit au niveau unitaire, un neurone, on peut enregistrer par ces fameuses techniques de patch clamp les courants dans un seul neurone, eh bien, les cellules gliales ne produisent pas de signal électrique. Et donc, comme l'électrode, sous toutes ses formes, a dominé les neurosciences de ces 100 dernières années, avec des progrès énormes, bien sûr, on a beaucoup appris, eh bien, les cellules gliales restant silencieuses, justement, on s'est dit que, bon, on ne sait pas à quoi elles servent, en tout cas, au mieux. Il y a même un terme que vous employez, on parle de neurochauvinisme, et Yves Agide, vous faites un peu votre mea culpa, vous dites que vous aussi, vous avez longtemps contribué à ce neurochauvinisme, on ne s'intéressait qu'aux neurones dans le cerveau. Bah oui, parce que, si vous voulez, tous les modèles de fonctionnement du cerveau sont fondés sur l'idée que c'est les neurones qui sont à l'origine du fonctionnement cérébral. Or, le cerveau, c'est nous, c'est nos pensées. On perçoit, on traite ces informations perçues dans le cerveau, on agit sur l'environnement, mais les modèles de fonctionnement du cerveau, quand j'étais plus jeune, et encore jusqu'à aujourd'hui, l'homme neuronal, hein, fameux homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, paru en 82, mais encore aujourd'hui, les modèles développés les plus récents dans notre institut de recherche, par exemple, eh bien, sont fondés exclusivement sur les neurones. Et alors, ce qui s'est passé, si je peux raconter, c'est intéressant, parce que tout d'un coup, on sait qu'il y a des cellules gliales, il y a des astrocytes, il y a de la myéline, il y a de la microglie, on sait tout ça. Et puis on se dit, oui, ça sert pour les neurones, etc. Puis un jour, j'ai découvert quelque chose quand même absolument prodigieux, c'est-à-dire, un, c'est qu'il y avait plus de cellules gliales que de neurones. Bon, c'est quand même C'est énorme quand même. Et je me suis dit, mais et si on n'avait pas enregistré les neurones avec des méthodes d'électrophysiologie, comme disait Pierre à l'instant, en piquant une électrode et on enregistre un petit courant électrique, si on n'avait pas fait ça, et si on avait mieux connu les cellules gliales à l'époque, on aurait fait des modèles de fonctionnement du cerveau fondés uniquement sur ces cellules gliales en négligeant les neurones. Première observation. La deuxième observation, c'est qu'on a lu, que dans la littérature, plus on est intelligent, plus on est de cellules gliales. Par exemple, chez un homme, vous avez un peu plus de cellules gliales, disons, que de neurones. Mais chez une limace, vous avez seulement une cellule gliale pour 6 neurones. Donc, au cours de l'évolution, il y en a de plus en plus, comme si ces cellules gliales étaient développées en même temps que la progression des fonctions mentales, donc peut-être jouant un rôle dans l'intelligence. Peut-être un mot pour dire que finalement, on a tout de même observé au fur et à mesure, puisque vous l'avez dit, Pierre Magistretti, hein, elles sont découvertes en 1856. On se rend compte tout de même au fur et à mesure qu'elles jouent un rôle, qu'elles ne servent pas à rien, ces cellules gliales, tout au long du XXe siècle, de la fin du XIXe jusqu'au XXe siècle. Petit à petit, étape par étape, on va se rendre compte qu'elles servent à quelque chose dans le cerveau. Alors je dirais que la mise en évidence des toutes premières fonctions physiologiques des cellules gliales date en fait de la fin des années 50, début des années 60, lorsqu'on a réalisé qu'en fait, une première approximation, ces cellules sont importantes pour maintenir l'homéostasie du milieu extérieur, du milieu dans lequel baignent les neurones. Par exemple, une des toutes premières observations a été de montrer que ces cellules sont très, très avides, elles captent très efficacement du potassium qui augmente lors de l'activité neuronale, qui va perturber les équilibres électrochimiques et qui sont à la base de l'excitabilité neuronale. Donc en enlevant ce potassium, en le siphonnant du milieu extérieur, elles rétablissent l'excitabilité neuronale. Ça, c'est des travaux de Kupfler et Nichols dans les années 60. Ensuite, est venue la démonstration que, toujours dans la même idée, que ces astrocytes peuvent en fait recapter le glutamate, neurotransmetteur principal aux synapses. 80% des synapses utilisent le glutamate. Et ce glutamate est aspiré par les astrocytes. De nouveau, une idée que, donc, c'est des éboueurs. Pour parler simplement, comme on en parle dans le livre L'homme glial, on dit c'est une fonction d'éboueur. Les astrocytes qui sont l'une des formes de cellules gliales, on va y revenir dans un instant. Voilà. Celle dont vous parlez principalement. Tout à fait. Oui, on a surtout parlé des astrocytes. Donc, ensuite viennent, en particulier nos travaux, qui ont montré que, en fait, en jouant ce rôle d'éboueur, ce ion, le potassium ou le glutamate, sont des signaux pour l'astrocyte pour qu'il capte le glucose dans la circulation et fournisse de l'énergie aux neurones. Donc, ces astrocytes, tout d'un coup, deviennent des chefs d'orchestre pour coordonner l'activité neuronale, pour coupler l'activité neuronale à l'arrivée d'énergie là où il faut, quand il faut. Et ça explique peut-être d'ailleurs pourquoi notre cerveau est tellement efficace du point de vue énergétique. Il consomme essentiellement 20 watts pour faire ce qu'on fait, c'est pas mal, quand on pense que les ordinateurs consomment des mégawatts. Alors, ils font aussi des choses intéressantes, mais enfin, je pense quand même qu'avec moins watts, on se débrouille pas mal. Donc, voilà le deuxième élément, puis on pourra reprendre d'autres. Mais ça date vraiment du début des années 60, et ensuite, au cours des 20-30 dernières années, se sont ajoutées beaucoup d'autres observations. À partir de quel moment se rend-on compte qu'il y a effectivement, comme l'a dit Vagide tout à l'heure, plus de cellules gliales que de neurones dans le cerveau? Et quel est le rapport? Parce que, comme vous l'avez dit, ça va être important en termes phylogénétiques. Le rapport nombre de neurones, nombre de cellules gliales, ça peut déterminer ou ça peut être une piste intéressante d'évolution et de structuration de l'intelligence, Vagide. Si vous voulez, le problème, c'est que ça a l'air de rien, mais de compter des cellules, c'est extrêmement difficile. On peut se tromper. Pourquoi ? Parce que les cellules sont plus ou moins grosses, plus ou moins petites, donc. Et quand elles sont petites, on fait des surestimations. Donc, les méthodes récentes de comptage cellulaire, ça date d'il y a 20 ans à peine. Et surtout depuis 10 ans. Donc, vraiment les dernières publications de Herculano Musel qui montre cela. Et c'est très intéressant parce que là, il faut aussi ajouter une chose fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cellule gliale, il y a des astrocytes qui sont avec une interaction très particulière avec les neurones, comme vous l'avez dit d'ailleurs, suggéré, on pourra parler, le sujet. Mmh. Mais il y a aussi les oligodendrocytes, c'est-à-dire ce qui constitue la myéline autour des axones des neurones. Et puis il y a la microglie qui sont des petites cellules toutes particulières qui jouent un rôle de protection, l'inflammation, etc. Et donc ces cellules gliales, en particulier les astrocytes, eh bien, on les a comptés, on s'est aperçu qu'il y en a énormément. Par exemple, pour vous donner un exemple précis, dans 1 mm3 de tissu nerveux, vous avez entre 10 000 et 50 000 neurones. Un millimètre cube, c'est un cube de 1 mm, c'est tout petit. Il y en a 1 500 000 dans le cerveau. Et vous avez presque un demi-milliard de connexions nerveuses. Mais vous avez aussi 10 à 50 000 cellules gliales. C'est énorme, hein, vous vous rendez compte, la quantité dans 1 mm3, et c'est de donner une idée de la complexité de ce cerveau auquel on a affaire tous les jours sans s'en rendre compte. Hein. Quand je dis ça, je mets en jeu toutes mes cellules gliales, mes 85 milliards de neurones, mes 100 milliards de cellules gliales, à chaque fois, dès que je dis un mot, c'est quand même... Moi, ça me fascine, si vous voulez, ça me fascine. Vous avez décrit, Yves Agide, à l'instant, effectivement, les trois grands types de cellules gliales, hein, la microglie, dont on va reparler dans un reportage dans quelques secondes, les oligodendrocytes, la myéline, donc, et les astrocytes, dont on va beaucoup parler au cours de cette heure. Pierre Magistrati, quel est le point commun? Pourquoi est-ce que toutes ces cellules sont appelées cellules gliales? Quel est le point commun entre ces cellules? C'est l'origine, en partie, en tout cas certaines d'entre elles, l'origine embryonnaire. C'est aussi peut-être historique. Elles ont été groupées dans ce groupe de cellules non neuronales, non excitables. Je pense que c'est certainement la raison de ce regroupement. Yves Agide. C'est vrai que la microglie, en fait, ça n'a pas grand rapport avec les deux autres catégories. C'est plus des sortes de macrophages qu'on en trouve à la périphérie, ce sont des cellules qui nous protègent, mais aussi qui peuvent être délétères, qui peuvent évacuer les mauvaises choses qui se passent dans le cerveau. C'est plus un système immunitaire cérébral, mais on va en reparler dans un instant. Peut-être un mot aussi pour dire, c'est intéressant, hein, cet aspect phylogénétique évolutif. Effectivement, on constate que plus on monte dans la spécificité d'une branche de l'arbre phylogénétique du vivant, et plus on trouve de nombreuses cellules gliales. Mais il faut aussi préciser, Pierre Magistrati, que les cellules gliales humaines sont elles-mêmes très différentes de celles des autres espèces. Oui, absolument. Donc elles sont plus ramifiées, elles projettent même à une certaine distance dans certains cas, alors que les astrocytes de rongeurs, par exemple, sont de magnifiques étoiles, d'où d'ailleurs leur terme astro pour étoile. Et elles, en fait, c'est comme ce sont des étoiles qui projettent au maximum, qui ont des branchements jusqu'à même pas 100 microns, alors que chez effectivement les astrocytes humains peuvent avoir quelques millimètres de projection. C'est encore un argument pour penser, tu es d'accord, pour penser que ces astrocytes jouent un rôle considérable dans les grandes fonctions mentales spécifiques à l'homme, c'est-à-dire la mémoire, la stratégie d'action, les perceptions, le langage, etc. Les fonctions dites supérieures de l'homme. On voit d'ailleurs que sur certaines études et certaines expériences menées sur des rongeurs précisément, quand on leur injecte des cellules gliales ou des astrocytes d'origine humaine, eh bien les performances cognitives des rongeurs deviennent bien supérieures, Pierre Magistrati, à celles des rongeurs qui n'ont pas été modifiés. C'est un papier qui a été publié par le groupe de Tsien à Princeton, qui, je dois dire, sont assez bouleversantes quelque part, et qui, en tout cas, sont parlantes quant au rôle de ces cellules gliales dans les fonctions supérieures. Et dans la mémoire en particulier. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez France Culture, il est 16h15, nous parlons des cellules gliales du cerveau tout au long de cette heure en compagnie d'Yves Agide et Pierre Magistrati, tous deux auteurs de L'homme glial, une révolution dans les sciences du cerveau, publié chez Odile Jacob. Voilà, clin d'œil, vous l'évoquiez tout à l'heure, Yves Agide, à l'homme neuronal. Est-ce qu'on peut penser le cerveau d'une manière tout à fait différente maintenant que l'on comprend mieux ces cellules gliales qui sont de différents types, comme on vient de le mentionner? Et pour commencer, eh bien, on est allé jeter un coup d'œil, hein, les yeux, dans le microscope microscope pour comprendre ce que sont et comment fonctionnent ces cellules gliales. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes intéressé à la microglie, hein, c'est-à-dire, comme on le disait à l'instant, une sorte de système immunitaire du cerveau. Oui, pour ça, je suis allée voir Coralie-Anne Mosser, qui est en fin de thèse dans l'équipe Neuronglie du laboratoire de neurophysiologie à Paris Descartes. Actuellement, elle fait des expériences chez la souris pour comprendre le rôle de la microglie dans l'immunité. Alors le principe, c'est d'infecter des souris avec un agent pathogène pour ensuite observer ce qui se passe au niveau neuronal après dissection du cerveau. L'objectif au final étant de saisir les liens entre la microglie et certaines formes d'autisme chez l'homme. Dans l'équipe Interaction Neurone-Glie, j'essaye de comprendre en fait le rôle des cellules microgliales, qui sont les cellules immunitaires du cerveau, dans le développement de nos réseaux neuronaux. Plutôt postnatal, mais on fait aussi des modifications embryonnaires en fait, de la microglie pour voir ce qu'on a après la naissance en fait, au niveau des réseaux neuronaux. Quel est le rôle de cette microglie dans l'immunité cérébrale, sachant qu'il y a très peu d'agents pathogènes qui peuvent rentrer à l'intérieur? La microglie, en conditions normales, elle n'est pas uniquement dormante, comme les gens le pensaient, mais elle est en permanence en train de surveiller son environnement avec ses longs processus. Donc nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est que en fait, on travaille sur des souris. Et quand on a des souris qui sont gestantes, on peut mimer une infection bactérienne ou virale en leur injectant un composé bactérien ou viral. Et donc moi, ce que je vois, c'est qu'après la naissance, en fait, ce qu'on observe dans les sourisseaux qui sont sains, parce que c'est-à-dire que c'est la maman qui a été infectée, mais en fait, ce que j'observe, c'est que leurs connexions neuronales sont altérées chez le bébé et chez le jeune, enfin, au 20e jour après la naissance, qui correspond à l'adolescence, en fait, chez la souris. C'est-à-dire qu'une exposition à un élément pathogène va induire une altération de la microglie chez toute la portée de la souris. Voilà, c'est ça. On pense que c'est vraiment la microglie, parce que c'est-à-dire que quand on fait cette injection d'un composé bactérien ou qu'on fasse l'injection d'un composé qui va détruire les cellules microgliales, parce qu'en fait, on a aussi fait cette expérience pour vérifier que c'était lié à la microglie, on a des résultats similaires après la naissance au niveau de la construction des réseaux neuronaux. Comment on observe l'effet des perturbations sur la microglie? Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise une technique qui s'appelle l'électrophysiologie. Donc, en fait, j'utilise le cerveau en dehors du corps de la souris. Mais je suis obligée de sacrifier la souris, de disséquer le cerveau. Et ensuite, en fait, on peut faire des tranches de cerveau, des coupes de cerveau. Donc là, il s'agit d'une tranche de cerveau de 350 microns d'épaisseur qu'on observe au microscope à épifluorescence, un grossissement de 20 microns, et en fait cette tranche est positionnée sous mon microscope et en permanence baignée donc dans ce liquide céphalorachidien artificiel pour maintenir les neurones en vie, qui est oxygéné en permanence. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait la tranche donc est positionnée sous le microscope, et on peut passer entre l'objectif et la chambre dans laquelle est la tranche une pipette dans laquelle en fait on a une électrode, et en regardant au plus fort grossissement, en fait, on peut distinguer donc des cellules gliales, même si on voit plus facilement les neurones. Et donc, en approchant notre pipette près d'une cellule, en fait, avec de la pression positive au bout, on va pouvoir se rapprocher de la cellule, se poser dessus, et avec une légère aspiration, en fait, c'est vraiment ça, hein, j'ai le tuyau dans la bouche en même temps, j'ouvre la cellule, et là, j'ai accès à l'intérieur de la cellule. Vous arrivez à cibler un neurone. Il y a quand même, en fait, un fil. Et donc ça, c'est ce qui va tenir sur le holder qui tient la pipette. On a un micromanipulateur, là en fait, qui nous permet de diriger notre pipette dans les directions. Et donc là, on peut enregistrer en fait les neurones et la façon dont ils communiquent. Alors ça, c'est le genre de photographie qu'on obtient avec ce microscope? Oui, une image des tranches telles que je peux les voir sous mon microscope à épifluorescence. Donc d'une tranche de cerveau qui contient des cellules qui sont encore vivantes, dans lesquelles on a cet enchevêtrement de neurones et cellules gliales. Et donc là, vous voyez ma pipette qui a accès à l'intérieur du neurone. Et on a des interneurones en vert et des microglies en rouge. Et en bleu sont des axones de neurones excitateurs. Et donc là, la glie, je l'ai manipulée en amont, en faisant soit une suppression des cellules ou en les activant. Après, c'est vrai qu'on peut tout à fait aller patcher des cellules microgliales. Vous dites patcher, c'est-à-dire l'action de pipetter. Donc c'est une technique qui est toujours extrêmement puissante en fonction de la question à laquelle on veut répondre. Mais si on veut vraiment regarder, voilà, observer une synapse, pas in vivo parce qu'on a coupé le cerveau, mais bon, ex vivo parce qu'il s'agit quand même d'une tranche, donc toutes les structures en tout cas dans l'épaisseur de la tranche sont conservés, bah, on peut avoir accès à l'intérieur, enfin à la façon dont les neurones communiquent entre eux. Qu'est-ce qu'on peut en conclure alors sur peut-être la databilité de cette expérience, sur le lien entre les pathologies cérébrales comme l'autisme ou la schizophrénie et la microglie? C'est sûr que, bon, moi je fais de la recherche extrêmement fondamentale, donc je ne vais pas m'avancer, mais c'est sûr que la microglie pourrait être une nouvelle cible thérapeutique dans le cas de ces pathologies, parce qu'on voit que quand on la détourne en fait de sa fonction originelle, qui est de participer au bon développement de la synapse, il y aura des déficits au niveau des réseaux neuronaux et plus tard des comportements sociaux altérés. Donc autisme et schizophrénie, c'est des maladies très humaines, donc c'est un peu difficile à dire après sur les animaux comme la souris, mais c'est vrai que ce sont des souris comme ça dans lesquelles on observe des comportements sociaux altérés. C'est ce qu'on observe en fait de plus en plus, c'est qu'on se demande si la microglie n'est pas le chaînon manquant entre voilà, ces pathologies neurodéveloppementales comme l'autisme ou la schizophrénie qui sont multifactorielles la plupart du temps et une inflammation. Voilà le reportage du jour sur cette microglie, ce système immunitaire cérébral qui pourrait avoir des liens avec un certain nombre de pathologies psychiatriques. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Pierre Magistretti ? Oui, ce que cette chercheuse a mis en évidence, c'est un volet récent du rôle potentiel des cellules microgliales dans la physiologie cérébrale. C'est le rôle en fait de sculpter, de contribuer au sculptage des synapses, c'est-à-dire des connexions entre les neurones. Et il semblerait qu'effectivement, ces cellules microgliales peuvent contribuer à des mécanismes de plasticité, surtout au cours du développement, d'où un peu la spéculation pour l'instant, de se dire que dans des maladies neurodéveloppementales, comme la schizophrénie ou l'autisme, il pourrait y avoir une pathologie microgliale, parce que ces cellules microgliales ne participent pas correctement au sculptage de ces synapses, c'est-à-dire à l'affinement des synapses. Yves Agide, une réaction à ce reportage, à ce que vous avez entendu sur la microglie en général? Non, je suis... Nous connaissons ces techniques, c'est très précis, c'est très délicat, c'est très puissant, comme l'a dit cette jeune femme. Mais évidemment, moi je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un grand hiatus entre des expériences faites sur une cellule et l'autisme, qui est une des maladies les plus complexes qu'on puisse imaginer. D'abord, on ne devrait pas dire l'autisme, c'est les autismes. Il y a tellement de maladies, enfin d'états particuliers si différents dans ce concept de ce syndrome très très vaste de l'autisme. Il manque entre la cellule, il faut voir ce qui se passe pour plusieurs cellules, ensuite il faut voir ce qu'il faut se passe pour l'ensemble, un ensemble de cellules au sein du cerveau, ensuite il faut voir les comportements. Il y a beaucoup de recherches à faire entre ce que cette jeune femme fait, qui est indispensable, c'est le fondement, la recherche fondamentale, c'est ce qu'il faut défendre, parce que si on n'a pas ça, on a des opinions, et les opinions c'est pas de la science. Alors on va continuer à faire un peu de science, on va parler plus effectivement d'une des familles de ces cellules gliales sur laquelle vous vous attendez particulièrement et qui est assez passionnante, il faut bien l'avouer. On va s'intéresser aux astrocytes. Pierre Magistretti, vous êtes l'un des précurseurs de la redécouverte du rôle finalement beaucoup plus important que l'on croyait de ces cellules cérébrales. D'où est parti votre travail? Comment est-ce que d'un seul coup vous vous dites il y a quelque chose à fouiller sur ces astrocytes? Donc tout ça remonte à il y a bien longtemps, quand j'étais étudiant, une trentaine d'années, quand je faisais mon PhD, mon doctorat aux États-Unis à l'Institut Salk à San Diego, et mon patron de l'époque m'avait demandé de mettre au point une technique pour mesurer les effets biochimiques de la noradrénaline dans le cerveau. Alors un peu naïvement, alors je dois dire vraiment naïvement, c'était un peu par ignorance, je me suis dit bon, la noradrénaline, c'est la même famille que l'adrénaline, une des actions bien connues métaboliques de l'adrénaline à la périphérie, c'est de mobiliser le glycogène, donc les stocks d'énergie dans le foie et dans le muscle. Donc je me suis dit peut-être que la noradrénaline fait la même chose dans le cerveau. Et effectivement, on a montré ça, le test a été mis au point, mon patron était très content. Et ce qui a été amusant pour moi, c'est de découvrir que, jusque-là, je ne pensais qu'aux neurones. Pendant mes études de médecine, on parlait comme ça, il y avait peut-être un paragraphe sur la glie. Et j'ai découvert que le glycogène dans le cerveau est présent seulement dans les astrocytes. Donc toutes les réserves énergétiques du cerveau sont localisées dans ces cellules gliales non neuronales. Et chose plus importante, cette manip a montré quand même qu'un signal neuronal, la noradrénaline, agissait sur une cellule gliale. Et que je sache, c'est une des toutes premières démonstrations d'un dialogue entre les neurones et les cellules non neuronales, les astrocytes. Alors tout ça m'a mis le pied à l'étrier pour aller étudier plus loin les aspects cellulaires du métabolisme énergétique cérébral. Et on a développé toute une série de champs de recherche qui montrent effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un couplage très étroit entre l'activité neuronale et le métabolisme énergétique, et que les astrocytes jouent ce rôle de couplage. Alors, tout ça après a été plus loin, et ça m'amène peut-être à parler d'une autre fonction des cellules gliales, donc après celle des boueurs et de fournisseurs d'énergie. Plus récemment, nous avons montré que lorsque qu'il y a un signal astrocytaire, qui est ce fameux ou infâme lactate, qui a longtemps été considéré comme un produit de dégradation du métabolisme, inintéressant et même toxique, éventuellement produit par l'anoxie ou l'hypoxie, donc le manque d'oxygène. Mais en fait, comme les cellules cancéreuses, les astrocytes produisent du lactate en présence d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Eh bien, ce lactate, nous avons montré il y a 7-8 ans, avec une collègue qui est aux États-Unis, Christina Alberini, à New York University, nous avons montré que si l'on bloque le transfert de lactate des astrocytes aux neurones, on bloque la consolidation de la mémoire. Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez de la colle et un produit de déchets du métabolisme, glie, astrocytes et lactate, qui sont fondamentaux pour une des fonctions cognitives les plus importantes, qui est la mémoire. Peut-être peut-on repréciser, Yves Agide, qu'est-ce que c'est qu'un astrocyte? Comment ça fonctionne surtout? C'est-à-dire, où il se situe? Quelle est l'interface que ça fabrique avec les neurones? Comment est-ce qu'ils se parlent? Comment ces deux types de cellules très différentes se parlent? Mais les astrocytes sont situés autour des neurones, et plus précisément autour des terminaisons nerveuses. Alors des terminaisons nerveuses, des synapses, des connexions, il y en a au niveau du corps cellulaire, ce qu'on appelle des prolongements qui s'appellent les dendrites, et puis il y en a au niveau des terminaisons nerveuses. On dit, pour un neurone, il peut y en avoir 1000, il peut y en avoir 10 000, il y a même certains neurones, il y en a plus de 50 000 de ces connexions. Et ces astrocytes sont situés autour. Ils sont situés autour, on peut dire en gros que il y a 6 à 8 astrocytes pour un neurone qui entoure. Et ces astrocytes sont autour de la synapse, si bien que la synapse, ça comprend l'extrémité d'un neurone, une précision présynaptique, et puis un élément postsynaptique. Eh bien, l'astrocyte entoure cette synapse et donc joue avec elle et dialogue avec elle, de telle sorte que le neurone, par le biais de la synapse, notamment par la sécrétion de glutamate, va informer l'astrocyte, et l'astrocyte, recevant un message, comme notre cerveau qui reçoit des informations, redonne un message au neurone. Et ce dialogue crée une sorte d'homéostasie, une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre physiologique, local, qui va être modulé. Les astrocytes jouent un rôle de tampon, un peu me limitant un petit peu les excès de sécrétion de glutamate, qui peuvent être toxiques, mais en même temps, modulant l'ensemble des neurones pour arriver à quelque chose de fondamental, qui est l'intégration de toutes les informations neuronales et leur synchronisation pour déterminer un comportement spécifique. Mais ça, je serais prêt à vous en parler plus en détail. Eh bien, on va en parler plus en détail, Pierre Magistretti, vous voulez. Non, je dirais que ce que vient de décrire Yves Agide, en fait, cette idée qu'il y a une, classiquement, le présynaptique et postsynaptique à la synapse, plus cet astrocyte, ce feuillet astrocytaire qui entoure la synapse, a donné naissance au concept de synapse tripartite, post-synaptique et astrocytaire, avec cette idée de modulation de la transmission synaptique par l'astrocyte. Et il faut savoir, pour donner encore un chiffre qui donne le vertige, un seul astrocyte peut en fait, au travers de ces processus, entourer, moduler jusqu'à 100 000 synapses. Donc, C'est très... On parle de gliotransmission, en fait, ce qui est quand même très très important dans ce que vous dites. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, l'un et l'autre, c'est que effectivement, ces astrocytes, en fait, régulent l'activité synaptique. C'est vraiment ça, un effet de régulation des messages qui sont transmis de neurone à neurone, de ces messages électriques. Et inversement. C'est-à-dire que les neurones, la sécrétion présynaptique de certains neurotransmetteurs, notamment des neurotransmetteurs, entre parenthèses, certains qui sont spécifiques aux astrocytes, eh bien, ces neurotransmetteurs vont moduler les astrocytes. C'est vraiment un dialogue, c'est tout à fait étonnant. Mais, si vous voulez, moi je suis frappé par cette idée que dans notre cerveau, on reçoit en permanence, actuellement vous-même, quand vous essayez de m'écouter en train de parler, d'être intelligible, des myriades et des myriades d'informations, des milliards. On n'y fait pas attention. Comment est-ce qu'avec toutes ces informations qui arrivent dans nos oreilles, dans nos yeux, dans notre bouche, etc., dans notre palpé, etc., comment est-ce qu'on arrive à déterminer un comportement spécifique, adapté à l'environnement? Eh bien là, on sait que les neurones ont des capacités de faire ça partiellement, mais le fait qu'il y ait ce dialogue entre les neurones et les astrocytes explique que les neurones, et ça, il y a des travaux expérimentaux qui le montrent, vont permettre d'intégrer, vous l'avez deviné à cause de la possibilité d'intégrer les informations sur des milliers et des milliers de synapses, vont intégrer toutes ces informations neuronales, les synchroniser, c'est-à-dire qu'elles vont être... elles vont se repartir en même temps, dans des échelles de temps qui est égales, et vont participer à développer un mouvement, une pensée ou une perception cohérente, adaptée, intelligente. Pierre Magistretti, c'est important, c'est ça, c'est ce rôle de régulateur, c'est finalement synchroniser tous ces messages, toutes ces informations électriques neuronales et permettre finalement qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres dans une échelle de temps qui est une échelle de temps nanoscopique ou nanométrique en tout cas. Tout à fait, vraiment. Donc quand on voit, si on parle de la morphologie de ces cellules, donc qui ont ces milliers de processus qui entourent des milliers de synapses, et qu'on on fait une liste finalement de ce qu'on sait, comme je l'ai dit, maintenir un environnement adéquat qui permet l'excitabilité, protéger les neurones, fournir non seulement de l'énergie mais aussi des signaux important pour la consolidation de la mémoire, donc pour tous les mécanismes de plasticité synaptique, et aussi modulation de l'activité synaptique. En fait, on voit qu'on a affaire là à une sorte de chef d'orchestre qui est capable d'influencer de manière vraiment impressionnante le fonctionnement synaptique. Et c'est là, je dirais, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec Yves, tous les modèles de fonctionnement cérébral ne prennent en compte que les neurones. Et je pense qu'ils ont été très utiles et c'est des outils pour la réflexion. Mais il est grand temps de rajouter le rôle, maintenant que nous en connaissons de plus en plus, le rôle des astrocytes dans ces modèles neuronaux. Yves Agile. Oui, puisqu'on fait un duo tous les deux. Et pour aller dans son sens, si vous voulez, il faut comprendre que ces astrocytes ont en plus de la sécrétion de neurotransmetteurs de tas de substances, ont des propriétés tout à fait extraordinaires. D'un côté, elles n'ont pas de potentiel d'action comme les neurones, qui l'électricité du cerveau, on est d'accord, ça c'est, elles l'ont pas. Mais d'un autre côté, elles ont la capacité de produire des ondes de calcium, par exemple. Des vagues calciques. Des vagues calciques, qui passent sur plusieurs millimètres, dans des volumes très grands, mais très lentement. Donc les neurones, point à point, donnent des informations extrêmement, dans un laps de temps extrêmement bref, tandis que là, c'est pour plusieurs secondes, plusieurs minutes éventuellement, et donc participent justement à cette intégration, à cette synchronisation des informations. Et ceci se passe par, disons, un processus biochimique complètement original, qui est celui des gap junctions, c'est-à-dire des espèces de canaux, dont le grand spécialiste est Pierre, donc je vais lui laisser en parler, il en parlera beaucoup mieux. C'est un canot avec des doubles molécules de connexine, peu importe les noms, et qui vont permettre des échanges d'ions de part et d'autre, dans un sens et dans l'autre, et l'astrocyte va être capable de moduler, d'ailleurs, le flux dans un sens ou dans dans l'autre. Et ça, c'est un mécanisme tout à fait extraordinaire qui était connu, disons, les gammes étaient connues sur des neurones, mais le fait que ça soit prédominant chez les astrocytes, je parle sous ton contrôle, Pierre, est-ce que je dis c'est cohérent ? Tout à fait. Donc, juste, c'est un moment pour rendre hommage, d'ailleurs, à un chercheur français au Collège de France, Christian Giaume, qui est vraiment un des grands spécialistes de ces jonctions GAP, qui effectivement joue un rôle de communication au niveau des astrocytes. Les neurones en ont quelques-unes, mais il y a très peu de neurones qui ont des jonctions GAP. D'ailleurs, à l'époque, ça a valu une grande diatribe entre Golgi, Camillo Golgi et Santiago Ramón y Cajal. Cajal défendant la théorie neuronale, donc éventuellement on a trouvé que la communication était synaptique, il y avait une discontinuité entre les neurones, alors que Golgi pensait en fait que les neurones sont comme finalement, on a découvert maintenant, ce sont les astrocytes qui eux sont en continuité et pas en discontinuité comme les neurones. Il y a une image que je trouve intéressante pour résumer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que finalement la communication neuronale, c'est une communication de pair à pair, hein, c'est une communication téléphonique, vous prenez ton téléphone, on appelle une personne, alors que ces astrocytes, vous l'écrivez très bien, l'image c'est que ce sont plutôt des ondes radio qui se répartissent et qui sont captées tout autour. Exactement, c'est exactement la question. Et alors, peut-être une question qui, en tout cas, il faut se poser, pourquoi il a fallu tellement longtemps, quelles ont été les avancées qui ont permis de comprendre ces fonctions d'astrocytaire? Alors, il y en a de plusieurs ordres. Une, comme on le dit dans le livre, l'homme glial, on a utilisé la devise de Genève, étant moi-même suisse, qui est post tenebras lux, c'est-à-dire après les ténèbres, la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les techniques de visualisation, de microscopie à fluorescence, de photons et toute la gamme de techniques très performantes qui permettent de visualiser la fluorescence, des marqueurs fluorescents, qui ont révolutionné la compréhension des cellules gliales, parce que c'est là, par exemple, qu'on a pu visualiser ces ondes calciques avec des marqueurs fluorescents pour le calcium. Il y a ces techniques de microscopie. Il y a également la capacité, la possibilité de séparer neurones et glies, c'est-à-dire que il a été possible de travailler sur des préparations isolées de glies ou de neurones. Évidemment, ça a aidé beaucoup. Alors, on perd un certain nombre d'informations, mais on gagne en résolution. Et puis aussi, les techniques de transgenèse qui ont permis d'invalider des gènes astrocytaires et de voir qu'il y a des conséquences sur les comportements. Là, c'est peut-être là où il y a eu vraiment une sorte de choc en voyant qu'on perturbait des mécanismes comme la mémoire, par exemple, en invalidant des gènes astrocytaires. Et on va revenir dans quelques instants justement sur toutes les déclinaisons, tout ce que ces découvertes-là ont permis de comprendre et sur le fonctionnement cérébral, mais aussi, vous allez l'entendre, sur un certain nombre de pathologies. Scientifique Nicolas Martin. I've been dragging a rat from the end of your coat for 2 weeks. Everywhere you go is swirling, everything you say left water under it. You know I keep your fingerprint. In a pink folder in the middle of my table, you're the top kingdom I surround. Think I'd better follow you around. You might need me more than you think you will. Come on in with all you love. dictionnaire. You'll never believe me what I found. Think I better follow you around. You might need me more than you think you will. Come on in the car you love. Bring me, bring me, bring me. You might need me more than you think you will. Come on in the car you love. Bring it, bring it, bring it. Brainy, The National sur France Culture à 16h40, puisque nous avons les yeux et les doigts, les oreilles, bref, tous nos sens braqués sur notre cerveau pour comprendre, en compagnie des deux auteurs de L'Homme Glial aux éditions Audi Jacob, et bien le rôle de ces cellules gliales, au premier chef celui des astrocytes. Nous en parlons donc avec Yves Agide, qui est professeur émérite de neurobiologie et de biologie cellulaire à Sorbonne Université, et Pierre Magistretti, qui est médecin et neuroscientifique, professeur entre autres à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, eh bien, dans cette dernière partie, on va essayer de comprendre un peu les conclusions auxquelles on commence à aboutir. Alors, il y a un peu de spéculation, c'est vrai, mais il y a aussi certaines études qui montrent le rôle de ces cellules gliales, de ces astrocytes, à la fois bien dans le développement de l'apprentissage, de la mémoire, notamment, mais aussi, pourquoi pas, dans certaines maladies neurodégénératives, notamment. Peut-être un mot pour commencer, Yves Agide, justement, sur ce que disent ces études et sur l'importance, le rôle central de ces astrocytes dans bien l'une des facultés principales de notre cerveau, c'est-à-dire celui de l'apprentissage, de la mémorisation. Oui, oui, avec Pierre, nous nous sommes même dit, vous savez, essayons de raisonner par l'absurde. Après ce qu'on savait de la littérature, on s'est dit, mais et si c'était les cellules gliales qui mémorisaient, pas les neurones ? On peut prendre le problème à l'envers. Alors, évidemment, nous n'avons pas de raison d'être penser que c'est ça complètement, mais ce qu'on peut savoir, si on peut dire vraiment aujourd'hui, c'est que sans astrocytes, vous ne pouvez pas avoir de mémoire. Voilà. Alors, il y a des expériences qui ont été réalisées in vitro, c'est-à-dire sur des cellules ou sur des préparations dans des boîtes de pétri, hein, quelque chose, puis des choses in vivo. On a dit in vivo, si on met des astrocytes de humains dans le cerveau d'un rat, qu'on l'injecte, on a une amélioration de la mémoire, comme si ces astrocytes très, très hyper développés hein, par rapport aux astrocytes de la souris, eh bien, avaient vraiment des possibilités de renforcer la mémoire, alors que si on met des astrocytes ordinaires de la souris, ça marche pas. Ça, c'est in vivo. Mais in vitro est très jolies expériences qui ont été faites, il y en a plusieurs. Vous savez qu'on, les neurones produisent ce qu'on appelle de la long-term potentiation, de la potentiation à long terme. C'est-à-dire que, finalement, des circuits de neurones finissent par apprendre. L'électricité finit par aller toujours dans un certain sens et pas dans l'autre, en prenant des circuits particuliers, ce qui permet d'apprendre, en effet. Eh bien, si, dans certaines expériences, vous invalidez les astrocytes ou vous y supprimez leur activité, par exemple en interdisant les vagues de calcium, la production de calcium, eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit que la long-term potentiation, la potentiation à long terme, disparaît. Donc, mémoire, vous n'avez pas de mémoire sans astrocytes, c'est démontré in vitro aussi bien qu'in vivo. C'est quand même très important, c'est un très beau modèle. Pierre Magistretti. Oui, comme je le disais tout à l'heure, je reprends rapidement, l'idée aussi, et ça c'est des expériences in vivo, si on bloque le transfert de ce lactate dont je parlais, qui est vraiment produit pratiquement exclusivement par les astrocytes, on empêche ce lactate de passer des astrocytes aux neurones, eh bien, on bloque, d'ailleurs, on bloque également la potentialisation à long terme et la consolidation de la mémoire. Donc, en un mot, je crois, le plus simple, c'est de dire, comme l'a dit Yves, il n'y a pas de mémoire sans activité des astrocytes. Mais ce n'est pas seulement pour la mémoire. Hein. On a fait le tour de la littérature et il y a des publications qui sortent encore tous les jours sur l'importance, la nécessité d'avoir un bon fonctionnement des astrocytes pour le sommeil, pour le cycle circadien, pour des quantités d'autres fonctions mentales. Voilà, il y a c'est clair. Donc il n'y a pas de fonction mentale cohérente sans astrocytes. Alors la question qui se poserait, encore une fois, en raisonnant par l'absurde, c'est de dire, mais Est-ce que les neurones, c'est pas simplement des moyens de communication, des routes dans le cerveau, des voies ferrées, des boulevards, des rues, des ruelles, etc. Très très compliqué. On en connaît l'anatomie essentielle. Et est-ce que c'est pas dans les neurones que et dans les astrocytes ça se passe? Alors on avait inventé la métaphore de Paris. Si vous imaginez que le cerveau c'est comme la ville de Paris, il y a quelqu'un qui est sur la Lune et qui avec un gros télescope regarde, il se concentre sur Paris et il voit une voiture par exemple qui emprunte toujours le même trajet. Par exemple, on avait dit que c'était le laitier, je crois, qui prenait toujours le même trajet. À ce moment-là, il note dans son cahier en disant j'ai observé premièrement un instrument, un objet qui prend toujours le même trajet dans des rues particulières. Donc j'en conclus que les rues ont de la mémoire. C'est un peu ce qu'on fait à propos des neurones. On dit que les neurones ont de la mémoire. Et puis il se dit, mais c'est bizarre, autour de ces voies de communication, il y a des immeubles, il y a des maisons. Je me demande bien à quoi ça sert. Est-ce que pas par hasard, ce serait pas ça qui, dans la ville de Paris, serait responsable de la fonction culturelle, de la fonction économique, de la fonction politique de la ville de Paris? En d'autres termes, est-ce que c'est pas les astrocytes qui jouent un rôle essentiel dans notre pensée? Alors, c'est un peu exagéré, bien entendu, mais c'est une manière peut-être provocante de dire, attention, n'oubliez pas que les astrocytes sont indispensables à la pensée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on prend en considération justement cette fonction centrale dans l'apprentissage, dans la fonction mémorielle, eh bien, évidemment, se pose la question du dysfonctionnement de la mémoire et de l'apprentissage. Et là aussi, il y a une certaine littérature qui commence à fleurir sur les pathologies neurodégénératives. Alors, imagine, c'est votre spécialité. Aujourd'hui, quels sont les liens qu'on a pu commencer à établir avec notamment la maladie d'Alzheimer ? Malheureusement, pour l'ensemble des maladies neurodégénératives, donc en tant que concept, on ne peut pas dire que les astrocytes jouent un rôle plus ou moins dans les maladies neurodégénératives. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, des travaux de mon équipe, d'Étienne Hirsch en particulier, c'est des travaux qui datent de 90-95, montraient qu'au contraire, la présence des astrocytes joue un rôle protecteur. Par exemple, les neurones dopaminergiques dans la maladie de Parkinson ne dégénèrent pas là où il y a eu des grosses concentrations d'astrocytes, et vice-versa. Dans la maladie d'Alzheimer, on a des arguments pour penser que c'est l'inverse. Ces astrocytes n'auraient pas un rôle protecteur, mais ils pourraient jouer un rôle délétère, au contraire. Alors, il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est que les astrocytes contribuent à détruire ce qui est en excès dans la maladie d'Alzheimer. Comme vous le savez certainement, il y a une production excessive de protéines bêta-amyloïdes, responsable de l'accumulation de plaques séniles, de dégénérescence neurofibrillaire. Et on peut montrer, pour donner le résultat global, que probablement en maladie d'Alzheimer, la destruction, le catabolisme de ces éléments, protéines bêta-amyloïdes, dégénérescence neurofibrillaire, par les astrocytes est débordé. Et si les astrocytes sont débordés, ils n'ont plus la capacité d'avoir leur rôle trophique sur les neurones. Ça, c'est un premier argument qui montre que probablement les astrocytes jouent un rôle dans la pathologie de cette. Il y a un autre argument, c'est que les astrocytes sont les seules cellules à produire une molécule qu'on appelle l'ApoE. L'ApoE, et cette ApoE, il y en a de plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle des isoformes. Et une de ces isoformes est plutôt protectrice, ApoE2, alors que ApoE4 vous multiplie par 8 le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Autrement dit, si vous êtes ApoE2, vous êtes relativement protégé, même si vous allez un jour, vous la développerez peut-être à 140 ans, mais vous serez mort à ce moment-là. Vraisemblablement. Je vous le souhaite, en tout cas. Mais si moi je suis ApoE4, j'aurai beaucoup plus de chances d'avoir une maladie d'Alzheimer que vous. Il y a aussi une pathologie qui est absolument exemplaire, hein, quand même. Il y a une maladie atroce de l'enfant qu'on appelle la maladie d'Alexander. Malheureusement, sans décrire ça, c'est des enfants qui meurent très très précocement. Je dirais presque heureusement, parce que c'est épouvantable. Eh bien, cette maladie d'Alexander est caractérisée par une mutation bien identifiée dans une protéine qui est spécifique des astrocytes. Au fond, la maladie d'Alexander, prototype d'une maladie des astrocytes. Alors, catastrophique. Donc, le message général, c'est de dire, à des degrés divers, les astrocytes jouent un rôle soit délétère, soit favorable, probablement favorable au début, en se défendant contre la mort neuronale, peut-être délétère ensuite en contribuant à la mort neuronale. Pierre Magistretti, sur cette recherche liée aux maladies neurodégénératives, on sait que c'est une recherche où la recherche biomédicale, pharmacologique patine énormément. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'ensemble de la littérature, qui est de plus en plus abondante, hein, on est à plus de 8000 études par an aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans on était à peine à quelques centaines, vous pensez que la connaissance que l'on a de ces cellules gliales peut permettre de donner un coup de pouce à la recherche autour des maladies neurodégénératives? Je dirais que la prise en compte, et j'espère que ce livre contribuera à ce réveil de l'intérêt dans les cellules gliales, c'est que l'industrie pharmaceutique a investi des milliards pendant une trentaine d'années pour effectivement essayer de développer des approches thérapeutiques pour les maladies du système nerveux central notamment, et notamment les maladies neurodégénératives. Et force est de constater que les succès sont vraiment minimes, voire quasi nuls. Or, à la décharge peut-être de l'industrie pharmaceutique, c'est que les connaissances sur les cellules gliales ont vraiment explosé au cours de, je dirais, ces 10 dernières années. Ça a commencé il y a 30 ans, mais vraiment ces 10 dernières années. Donc, il est peut-être temps de se dire qu'il vaudrait la peine d'aller cibler plutôt les cellules gliales, ou en tout cas essayer de cibler des processus gliaux dont on connaît la nature maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Mais maintenant, on connaît toute une série de cibles gliales qui pourraient être ciblées par des approches thérapeutiques et qui, peut-être, auraient plus d'efficacité que ne l'ont eu les approches uniquement neuronales. Et ce qui est un peu décourageant, c'est qu'en fait, l'industrie pharmaceutique s'est retirée assez massivement de la recherche en neuro, pour les raisons évidentes. C'est-à-dire que, bon, ils ont investi beaucoup d'argent, il n'y a pas eu beaucoup de succès, et c'est normal. Les industries pharmaceutiques doivent faire du profit pour faire de la recherche, pour faire avancer. Donc voilà. Et c'est un peu inquiétant parce que c'est dommage, là où on en est aujourd'hui, ce serait intéressant de voir repartir la recherche pharmaceutique sur les maladies neurodégénératives en ciblant les cellules gliales. En sachant que ces cellules gliales étant à l'intérieur du cerveau, on rencontre le même problème qui est le problème majeur pour développer une pharmacologie efficace sur le cerveau, c'est le franchissement de la barrière hématoencéphalique qui pose tout de même un des principaux problèmes de médication IVAGIDE autour de ces maladies neurodégénératives. Oui, c'est vrai, ça, c'est un autre sujet. La barrière hémato-encéphalique, que les citoyens ne savent pas toujours bien ce que c'est, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement des couches cellulaires qui se trouvent notamment entre les vaisseaux qui apportent les nutriments nécessaires à la vie du cerveau et le cerveau lui-même. Et là, il y a une sorte de barrière qui laisse passer les toutes petites molécules, l'eau, les acides aminés, les lipides, etc., des toutes petites protéines, des petits peptides, mais qui ne laissent pas passer les protéines. Or, beaucoup de nouveaux médicaments, par exemple les anticorps monoclonaux, dont nous parlions ici même il y a quelques jours à peine. Ah bon, des molécules un peu grosses, ont beaucoup de mal à passer. Donc il faut trouver des moyens. D'ailleurs, à la Salpêtrière, il y a quelqu'un qui, chez nous, développe des techniques d'ultrasons pour essayer d'ouvrir la barrière hématoencéphalique pour permettre à des molécules efficaces de franchir cette barrière hématoencéphalique. Donc, en ce qui concerne les astrocytes, pour reprendre ce que disait Pierre, dans la suite, moi je dirais deux choses. Premièrement, des échecs formidables dans les maladies neurodégénératives. Songez que pour la maladie d'Alzheimer, au cours des 10 dernières années, il y a eu plus de 10 000 essais thérapeutiques, je ne sais pas combien ça représente, de milliards, plusieurs ou dizaines de milliards qui ont été dépensés, sans succès, avec un succès quand même, 99,6% d'échecs. Ils ont sorti un médicament, j'ose pas dire le nom de ce médicament, mais il est apparemment pas très très efficace en plus. Donc, ça c'est un échec. La deuxième chose, pourquoi il y a cet échec? parce que le cerveau, c'est un milliard de fois plus compliqué que les autres organes, comme prostate, une vessie ou un poumon. Oui, c'est immense. C'est comme je dis, on dit souvent, on le dit dans le mot, c'est en petit ce que l'univers est en grand. Mais là, pour reprendre ce que disait Pierre, on travaille uniquement sur les neurones, des cibles, des neurotransmetteurs, etc. On les connaît, il y en a qui sont découverts encore de plus en plus aujourd'hui, c'est vrai. Mais on n'a pas pensé à des cibles gliales, sur les astrocytes notamment. Alors imaginez que vous, par exemple, vous avez quelque chose qui ne marche pas chez vous. Vous changez un petit quelque chose, mais vous oubliez de changer le reste. Ça peut très bien vous réparer une machine, je sais pas quoi. Si vous tournez un bouton, mais que vous oubliez de tourner l'autre bouton, ça peut ne pas marcher. Donc là, l'idée, c'est de trouver des médicaments qui agissent sélectivement sur les astrocytes, sélectivement. Par exemple, les astrocytes sont les seuls à sécréter de la D-sérine, de l'ATP, d'autres... Du lactate. Mm-hmm. Hein. Et bien d'autres que les neurones ne font pas. Et peut-être plus encore, c'est de taper en termes pharmacologiques à la fois sur les neurones et sur les astrocytes. Quand vous traitez un sida, vous n'avez pas un médicament. Quand vous traitez la tuberculose, vous n'avez pas un médicament, vous en avez trois. Et bien là, il va falloir trouver des médicaments ou plusieurs médicaments qui tapent à la fois sur les neurones pour stopper la dégénérescence nerveuse et peut-être activer, je ne sais pas, ou inhiber certains circuits de astrocytaires. Voilà, je pense que l'idée, c'est d'agir sur les deux. Bien, Magistretti, pour conclure, tout cela, pour le moment, est encore très, très spéculatif, mais vous pensez qu'effectivement, il peut y avoir une pharmacologie de l'agli qui émerge dans les prochaines années et qui permette enfin d'obtenir quelques résultats sur les maladies. On parle des maladies neurogénératives, ça peut être les maladies neurodéveloppementales aussi. Oui, alors je le pense vraiment, parce que effectivement, il était difficile de développer des cibles thérapeutiques quand on connaissait à peine les fonctions gliales. Mais là, vraiment, au cours de ces 10 dernières années, il y a toute une série de processus qui sont spécifiquement gliaux, qui ont été identifiés avec des récepteurs, des transporteurs, des enzymes, donc des cibles tout à fait pour un développement de molécules. Et donc je pense qu'il faut simplement prêter attention à ces nouvelles découvertes, développer des nouvelles des molécules qui ciblent et avec un peu de raisonnement, je dirais, un peu avec ces méthodes qu'on appelle high throughput, où on fait une sorte de criblage de centaines de milliers de molécules sur une cible, trouver des molécules qui agissent sur cette cible, et ensuite la tester dans des modèles animaux pour aller encore plus loin. Donc, il y a un processus que l'on peut mettre en place aujourd'hui de manière rationnelle pour développer des molécules qui agissent sur les cellules gliales. Yves Agide, pour conclure. Oui, moi je disais, la pharmacologie, c'est absolument capital, ce que vient de dire Pierre. Je pense qu'il y a peut-être une grande nouvelle voie pour l'industrie pharmaceutique avec la recherche de cibles pharmacologiques sur les astrocytes et pas seulement sur les neurones. Mais je pense aussi à autre chose qui est quand même au moins aussi important pour moi, c'est de comprendre pourquoi on pense. Et si on pense en étant uniquement avec des modèles de fonctionnement neuronal, eh bien, on risque d'avoir une vision un peu réductionniste de la chose. Et donc, vous ne pouvez pas... Imaginez que vous faites un modèle de fonctionnement de votre cerveau avec uniquement l'hémisphère gauche. Ça n'a pas de sens. Il faut les deux hémisphères. Ben là, c'est pareil. Donc, en termes de fonctionnement neuronal, les modèles futurs de fonctionnement du cerveau seront basés à la fois sur les neurones et sur les cellules gliales. Merci beaucoup à tous les deux, Yves Agide, Pierre Magistretti. Vous pouvez plonger dans ce livre qui est passionnant sur cette deuxième moitié du cerveau que l'on découvre à peine et qui recèle beaucoup d'espoir, comme vous venez de l'entendre, thérapeutique. L'homme glial, une révolution dans les sciences du cerveau. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Ville, France, Sarah Hijemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est une nouvelle semaine de série documentaire, 4 portraits de femmes de science. La première sera Rosalind Franklin dans quelques secondes, un documentaire signé Olivier Chomel et Vincent Deck. Et puis tout à l'heure, à 18h20, du grain à moudre, que faire de la cagnotte? C'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne, demain nous parlerons de tectonique, de sismologie et de nouvelles techniques mises en œuvre pour mieux anticiper les tremblements de terre. Et pourtant, elle tremble, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.